Allô. Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas dans le studio de Schaffhouse, mais chez moi, dans mon salon. Pourquoi? Parce que Twitter a bloqué Kla TV pour 7 jours. Et parce que le 18 août 2021, j'ai fait une émission sur les effets secondaires du vaccin COVID-19 qu'a subi une jeune fille américaine de 12 ans. Depuis la vaccination COVID, la jeune fille est en fauteuil roulant et elle a une sonde d'alimentation. Vous connaissez sûrement le terme qui nous a été rabâché depuis le début de la crise du COVID. C'est le terme « solidarité ». Après tout, c'est par solidarité que nous portons le masque. Si nous voulons être solidaires, nous devons respecter une distance minimale et la question de la vaccination est finalement aussi une question de solidarité. Mais je me pose une question. Qui est solidaire avec les personnes, et elles ne sont pas rares, qui ont eu des effets secondaires, des dommages suite à la vaccination COVID? Les médias sociaux tels que Twitter ont montré clairement qu'ils sont tout sauf solidaires en infligeant une suspension de 7 jours à Kla TV. Parce qu'au lieu de parler dans le monde entier des dommages que cette fille a subis suite à la vaccination, et puis d'être honnête et de dire « Écoutez, il est possible d'avoir des effets secondaires suite à la vaccination COVID », on le passe sous silence et on interdit à Kla TV de parler. Au lieu de cela, on fait de la pub en faveur de la vaccination. C'est de la propagande vaccinale, sans cesse, du matin au soir. Si maintenant je me mets à la place de la mère de la jeune fille, alors je veux partager ma détresse. Je veux seulement en parler, dire qu'il faut faire attention ou peut-être réfléchir à deux fois avant de faire vacciner un enfant qui est en bonne santé. Mais on ne l'écoute pas. Ça me choque, vraiment. Parce qu'il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre santé. Mais Kla TV continuera à donner une plateforme à ces voix qui ne sont pas entendues. Parce que c'est seulement celui qui entend le pour et le contre qui peut se faire sa propre opinion. Regardez cette émission dont je viens de parler et aussi d'autres émissions de Kla TV et diffusez-les. Merci beaucoup.